L'important, c'est Figaro, une guitare sur le dos, en train de composer une chansonnette. Après un instant d'hésitation, le comte et Figaro se reconnaissent.